D'accord. Alors, donc on va enchaîner avec une session très différente. C'est la fameuse boîte à questions dont je vous parlais tout à l'heure pour ceux qui étaient là. Donc, en fait, le principe, c'est que vous nous posez des questions, n'importe quelle question que vous vous posez dans votre vie ou c'est pas forcément politique, hein, ça peut être n'importe quel sujet, comme ce qu'on fait tous ici à Éducation Populaire, et on va essayer collectivement d'y répondre en forme d'intelligence collective. On l'a déjà fait la semaine dernière pour la première fois et ça a très bien marché. Et donc, on va recommencer. On a déjà pas mal de questions qui ont été posées soit aujourd'hui, soit les jours précédents. On va les tirer au sort. Monsieur Procédure, et on va les tirer au sort et on va y répondre. Alors juste avant qu'on passe à ça, il nous reste aussi des petits papiers d'ailleurs, si vous voulez, des gens qui veulent poser des questions, hein, n'hésitez pas. Et juste avant qu'on passe à ça, on a une journaliste, bonjour, allemande, qui souhaiterait, c'est ça, filmer l'assistance. Et donc on voulait savoir si... si vous êtes d'accord, s'il y a des personnes qui ne souhaitent pas être filmées, vous pouvez vous, on vous invite à vous mettre d'un côté, par exemple, on va dire de ce côté-là, hein, et comme ça, vous ne serez pas filmé. Hein, on fait comme ça? Donc voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas de, il n'y a aucune obligation. C'est quel média? C'est quel, Bonjour à tous. Ah, ok. Bonjour à tous et merci de m'accepter ici. C'est pour la télévision publique allemande, c'est la WDR. Et c'est une production web pour les jeunes en Allemagne pour qu'ils peuvent voir ce qui se passe ici à Paris et en France. Ah, désolé. Bon, ok. Si proche. Ok. C'est quelle partie qui manquait? C'est la télévision publique allemande, c'est la WDR, c'est une production web pour les jeunes en Allemagne pour qu'ils puissent voir ce qui se passe en France en ce moment-là. Et c'est tout. De rien. Donc, voilà. Comment? Donc oui, je répète, donc ceux qui souhaiteraient pas être filmés par cette télévision allemande, vous pouvez vous mettre sur le côté droit de votre côté. Et si ça vous dérange pas, voilà, vous pouvez rester ici. Donc on commence avec la boîte à questions. Alors, est-ce que quelqu'un veut tirer au sort? Parce que je me sens un petit peu... Bon, je tire au sort la première et puis après on changera. Comptez-vous faire plus d'actions pour essayer de mobiliser plus de gens sur Nuit Debout? Alors, peut-être on pourrait avoir quelqu'un qui fait circuler le micro en même temps. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? Comptez-vous faire plus d'actions pour essayer de mobiliser plus de gens sur Nuit Debout? Je ne sais pas si la question s'adresse à nous précisément, Éducation Populaire, ou elle s'adresse à tous les gens qui circule sur la place de la République ou si elle s'adresse à tout le monde en général. Non, moi je m'attendais à ce qu'on partage des connaissances, mais là on n'a pas la connaissance du fait qu'on va réussir à mobiliser plus ou pas. Mais par ailleurs, le fait de faire de l'éducation populaire, ça amenait peut-être des gens à venir ici, à s'intéresser plus. Donc. Est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on traite cette question ou est-ce que vous préférez qu'on traite une autre question? Qui Plutôt est une autre? d'accord? On tourne? On change de question? Attends, qu'est-ce que vous vouliez? Vous aviez une réponse là-dessus? Ou à dire sur le mouvement ou non? Ouais? Vous êtes trop loin, je pense. Oui. Je sais, je sais, je sais. Ok. Voilà, là ça Bonjour. Moi je viens. Et à Belgique aussi, à Bruxelles et à Gand, de différentes villes, c'est commencé, Nuit Debout. Mais je trouve que c'est très important que les citoyens, les jeunes, y réagissent. Parce qu'en Belgique, moi je suis dans une organisation entre parenthèses, tout autre chose, le côté francophone et le côté flamand, heart, cœur, boven heart, au-dessus de être dur. Et on a beaucoup de, on fait beaucoup de manifestations et tout ça, mais sans être politique. Mais en même temps, c'est très important. Ça, ouais, peut-être, je ne sais pas. Comme ça? Oui, c'est très important. Je crois que, qu'il y a tous les jours ici les discussions et tout ça. Parce que moi, j'en suis sûre qu'on peut bouger des choses politiquement aussi quand on se réunit. Il y a en Belgique un phénomène qu'ils disent que les étudiants et les jeunes ils sont plus engagés, mais de plus en plus, pour vous donner aussi un exemple que c'est possible. Et en Belgique aussi, ils se réunissent de plus en plus, mais c'est toujours difficile d'avoir le tout ensemble. Ça veut dire les gens qui sont plus âgés, qui ont des questions, mais et les jeunes, parce que ça, ensemble, j'ai l'impression qu'on peut réussir à faire encore mieux et le plus possible ensemble. Alors, il y avait une réaction aussi ici de monsieur. Ouais, Gérard, de la coordination de Nuit Debout, ancien du pôle Lutte Debout. Bah, je crois qu'au niveau des actions, il y en a pas mal. Là, ce matin, par exemple, il y en a eu 3. D'accord. Il y a un catalogue d'actions qui est disponible sur les pages de la commission Action et de la commission Lutte Debout. Il y a tout un certain nombre d'actions, enfin tout, il y a pas mal d'actions qui sont en train d'être montées en lien avec des organisations syndicales pour l'aide au blocage. Il y a tout ce qui se fait à droite et à gauche et on envisage effectivement de continuer jusqu'au retrait total de la loi. C'est l'objectif et on veut pas effectivement que l'article 49.3 soit de nouveau réutilisé. Après, on est preneur de toutes les propositions d'action. Hein, il faut savoir que tous les soirs, les copains du pôle Lutte Debout se réunissent sur la place, un peu de l'autre côté, pour effectivement avoir une réunion de travail, un débriefing. Les copains de commission générale se réunissent ici. Je crois que là-dessus, on n'est pas prêt d'arrêter les actions et on n'est pas prêt d'arrêter de les amplifier. Merci. Bon, est-ce qu'il y a d'autres réactions sur le sujet ou est-ce qu'on passe à une prochaine de vos questions de la boîte à questions? Non? Ok. Alors, on passe à une prochaine question. Vous voulez bien la tirer et la lire si ça ne vous dérange pas? Comment? Oula, il y en a deux. Alors, non, une. L'idée d'un changement radical sera difficile à accepter par certains et alors là, j'arrive pas à lire. Long à mettre en place, quoi qu'il arrive. Mais la Ve République et les lois en vigueur offrent des possibilités comme l'élection de candidats parmi les citoyens. Et est-ce que les citoyens, dans les modalités actuelles et autres, citoyens dans les modalités actuelles. En quoi un citoyen est-il autant, voire plus compétent qu'un politicien professionnel et à qui accorder notre confiance? Merci. Donc, si je reprends juste la question, en quoi un politicien est-il ou elle plus compétent qu'un citoyen? Et faut-il lui accorder notre confiance? C'est ça? Pour répondre, j'ai envie de dire, quand on regarde que toutes les personnes qui sont venues à l'heure actuelle, ou presque, aux différents postes électoraux, on s'aperçoit qu'ils sont tous presque issus de l'école de l'ENA. Et de ce fait, reçoivent un peu le même type d'éducation, le même formatage, si je peux me permettre, mais ne vivent plus ce que vit réellement un Français, ne savent pas ce que c'est le chômage, ne savent pas ce que c'est les fins de mois difficiles dès le 10 du mois. Ils vivent dans un confort que nous, on ne connaît pas. Je pense qu'un citoyen... en reprenant l'exemple du chômage, le mieux placé, ça va être un chômeur ou quelqu'un qui a connu le chômage. Ça peut être aussi un patron, pas forcément un grand patron du CAC 40. Pour... Encore une fois, c'est juste pour donner un exemple. Ça peut être quelqu'un qui va se retrouver au chômage, mais qui a quelqu'un de sa famille qui a déjà été au chômage et qui a vu la situation se dégrader. Et ça, il n'y a que les citoyens français qui n'ont jamais été élus à des postes, à des hautes responsabilités qui le savent parce que justement, ils ne sont pas issus de ces écoles politiciennes. Donc, on va peut-être répéter la... Merci. On va peut-être répéter la question. Ouais, tu veux... C'était sa question. C'était ma question. En fait, là où je veux en venir, c'est que il y a des plateformes qui existent déjà. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de primaires citoyennes pour les présidentielles. Il y a par exemple laprimaire.org que je connais et que je trouve assez sensée. Parce que justement, elle amène ces questions-là de comment on élit. Eux, ils veulent changer le mode d'élection. Mais au sein de des lois en vigueur et de la 5e République, il pose la question de qui on élit et comment on lui permet de s'exprimer aussi, parce que actuellement les personnes donc qui sont élues sont choisies parmi 0,5% enfin par 0,5% de la population. C'est à peu près tous les partis politiques là qu'on nous sert, ça représente à peu près 400 000 personnes. Donc les représentants de ces partis politiques sont élus par 400 000 personnes. On est 60 millions en France. Donc on a le choix de voter parmi des personnes qui, à la base, ont été élues à cette place sans qu'on ait voix au chapitre. Donc, comment avoir le plus possible voix au chapitre ? Bah, c'est tout simplement en ouvrant toutes les élections, qu'elle soit présidentielle ou même les autres. D'ailleurs, la plateforme laprimaire.org sera aussi présente aux prochaines élections. On ouvre ces élections à tous les citoyens. On donne de la visibilité à ces candidats. Et du coup, la question est, pour ceux qui vont voter, en quoi un citoyen peut-il être aussi compétent qu'un politicien qui, comme donc le disait monsieur, sort d'une école, qui a été formé pour ça? Est-ce que un politicien qui dont toute la famille a toujours été politicienne, moi je fais un peu l'avocat du diable, là, je cherche à soulever des questions. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui on ait des gens, comme disait le monsieur, qui vivent dans une réalité qui est particulière, qui n'est pas forcément la réalité que la plupart des gens connaissent. Et comment se fait-il qu'on accorde toute notre confiance à ces gens-là qui se marient, alors le patron de telle grande entreprise se marie avec la future ministre de tel secteur, et puis hop, on a une loi qui sort, ou alors des vaccins, 6 millions de vaccins pour tel truc, parce que des histoires comme ça, on en a plein, et j'en passe, c'est des plus mafieuses. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on n'accorderait pas notre confiance finalement à quelqu'un qui vient du peuple, qui a toujours vécu les problèmes du peuple et qui a des idées et des supports pour améliorer et pour trouver des solutions. Voilà. Merci. Quand on prend l'histoire de la démocratie, à l'origine, la démocratie, précisément, contrairement, je dirais, à l'approche de Platon, considérait qu'il n'existe pas de vérité en soi. Et les sophistes affirmaient qu'en fait, la vérité était le produit d'une convention qui relevait en fait du discours. Et que, pour cette raison, en fait, tout le monde pouvait faire de la politique. La politique n'était pas une affaire de professionnel. Maintenant, sur la question de la compétence, chez les Grecs, concernant l'élection, on distinguait les fonctions politiques qui nécessitaient de la technique, comme par exemple les architectes ou les médecins. Et dans ce cas-là, on élisait les meilleurs selon des critères techniques. Par contre, sur les questions d'ordre général, sur les questions philosophiques, là où il n'y a pas de spécialistes, justement, tous les citoyens avaient droit au chapitre et pouvaient participer précisément à la production de la vérité conventionnelle. Maintenant, sur la question de proposer un citoyen aux primaires ou aux élections, moi je vois un paradoxe par rapport à Nuit Debout qui, d'une certaine façon, remet en cause justement cette question d'élection, cette question de représentation, cette question qu'il y aurait une sorte de messie libérateur d'une personne à qui on donnerait le pouvoir et qui finalement nous libérerait de la domination, etc. Moi je crois davantage à l'expérience d'intelligence collective et de démocratie directe. Alors c'est un défi considérable, mais qui aurait en tout cas pour ambition d'imaginer une autre forme d'organisation sociale dans laquelle justement on serait plus soumis à cette disposition du vote et de l'élection. Alors, il y avait une réaction, ouais, ici et ensuite ici, ok. Allô ? Oui. Je voudrais compléter ce que disait Léa. Oui. Léa, j'avais entendu une page un matin sur BFM TV, interviewé par Jean-Jacques Bourdin. À titre d'information, la primaire citoyenne, elle voulait l'ouvrir à des personnes, à tous, sous trois conditions. Ah. Moi, je parle de laprimaire.org. C'est une plateforme qui a été ouverte par un avocat et une personne qui travaille dans le marketing. D'accord. Donc, l'avocat, c'est David Guez et donc le cofondateur, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Et c'est une association loi 1901. Il y a un site internet, une plateforme internet, mais c'est il y a aucune condition. Il y a en fait le seul élément limitateur sur la plateforme internet, c'est le jury. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui dépasse les bornes, parce qu'il y a vraiment une invitation, c'est venez avec ce que vous êtes et ce que vous proposez. Mais il y a quand même une limitation, c'est que si une personne dépasse les limites, donc par exemple, c'est arrivé une fois quelqu'un qui présente Adolf Hitler comme candidat. Et ben la limitation, ça a été l'appel du jury. C'est-à-dire que parmi les inscrits du site, il y a eu 2000 personnes qui ont été tirées au sort et qui donc ont formé un jury qui a décidé si oui, on garde cette personne ou sinon on bannit cette personne de la plateforme. Voilà, c'est la seule limitation, ça a fonctionné. D'accord. Et c'est donc un. Vraiment, à mon sens, ce truc-là, laprimaire.org, ils vont assez loin dans la recherche de la démocratie. Vraiment telle qu'elle devrait être et au niveau de leur fonctionnement à eux et dans ce qu'ils proposent comme moyen à mettre en œuvre au sein de la 5e République. Il y a des choses à faire encore en plus de plus, mais là, au sein de ce qu'on a actuellement sous la main et des possibilités qu'on a dans la 5e République, dans les lois en vigueur, eh ben, il y a ce type d'œuvre qui se met en place et qui peut fonctionner. Après, ce jeu, c'est réussir à rallier la confiance des gens en un futur président citoyen, qui est comme vous et moi, juste quelqu'un qui avait une certaine ambition, envie de servir son pays à un haut niveau, et du coup, qui s'est présenté pour représenter les autres. De toute manière, si je peux me permettre, pour finir, je pense que si on veut changer le système, il faut d'abord qu'on rentre dans le système, avec des propositions concrètes une fois qu'on est rentré dans le système pour le changer. Si on utilise la force ou une révolution sans rien préparer de concret derrière, on va droit vers une guerre civile. Ouais, ça me fait toujours sourire quand on me parle des politiciens. Le problème, c'est pas politicien ou pas politicien, c'est aujourd'hui quelle est la classe sociale qui gouverne. La classe sociale, c'est les possédants, c'est les bourgeois. Qu'on ait quelqu'un issu de laprimaire.org qui ait pété de thunes, ça changera rien du tout pour les gens. Je crois qu'à un moment donné, il faut le prendre en compte, ce point-là. D'accord? C'est bien ce qui s'est passé au fil du temps, quand on regarde la composition de l'Assemblée, c'est qu'il n'y a aujourd'hui plus, enfin, je crois qu'il doit y avoir deux ouvriers qui siègent encore, deux anciens ouvriers qui siègent encore à l'Assemblée nationale. Tous les autres, c'est des professions libérales ou des personnes qui ont fait carrière dans la politique par le côté assistant parlementaire et ensuite je suis devenu élu local et tout ça. Le vrai problème, il est là. Quel que soit le système que l'on choisisse. Le citoyennisme qui veut dire qu'on fait fi de la notion de classe sociale, c'est une gigantesque arnaque, pour moi. Non, attends, mais c'est une gigantesque arnaque dans le sens où, effectivement, à un moment donné, il faut bien prendre en compte que les personnes qui gouvernent aujourd'hui gouvernent au bénéfice d'une infime minorité. Les lois qui sont faites au bénéfice d'une infime minorité. D'accord ? Tout est fait dans ce sens-là. À partir de là, la candidature, une candidature qui pourrait... Pour moi, je suis personnellement, je suis contre le système électoral tel qu'il est fichu aujourd'hui. Je suis plus partisan des élections directes, enfin de la démocratie directe. Mais une candidature qui pourrait émaner de personnes venant de Nuit Debout ne pourrait être qu'une candidature qui décide de mettre à bas le système quel qu'il est. Parce que Nuit Debout est fondamentalement quelque chose qui rejette le monde dans lequel on est. N'oublions pas qu'on est venu ici en disant on est contre la loi travail et le monde qui va avec. C'est ça qui a été au départ de notre venue sur cette place. C'est ça la prise de conscience. On ne veut plus d'un système où effectivement des gens font des études pendant 8 ans pour s'entendre dire après qu'ils ne pourront pas bosser. Ou alors qu'ils seront obligés d'aller faire un autre boulot. On ne veut plus d'un système où on explique aux gens qu'il faut bosser jusqu'à 67 ans, alors qu'on licencie de plus en plus de personnes à 52 ans, et qu'on les fait vivre donc pendant 15 ans au chômage. On n'en veut plus ce monde-là. C'est bien autre chose que l'on souhaite. Et les personnes qui voudraient se réclamer à un moment donné de l'esprit de Nuit Debout devraient au minimum être d'accord avec cette plateforme-là. Ce qui nous a réunis et ce qu'on retrouve dans l'ensemble des commissions, c'est pas la notion, c'est pas être élu par le web et tout ça. Et en plus, il faut prendre aussi conscience d'une chose, c'est que tous ces systèmes qui utilisent les nouveaux médias, les nouveaux internet et tout ça, sont des systèmes qui sont totalement déshumanisants. La démocratie liquide, c'est bien, mais si on réfléchit bien dans la démocratie liquide, seuls ne survivront ceux qui ont les moyens de s'acheter un bateau ou une bouée. Bon, merci. Est-ce que vous avez d'autres réactions sur cette question ? Oui, à gauche. Moi aussi, je partage ce que vient de dire l'intervenant précédent. Je pense aussi que la seule concrétisation politique, enfin incarnation politique qui serait possible, ce serait une sorte de parti provisoire qui aurait pour fonction de changer le système, quoi. Parce que c'est vrai que ça va pas du tout, quoi. Là, on n'est pas du tout représenté. Il y a une coupure complète entre la France d'en haut et la France d'en bas, quoi. Voilà, ouais. Et pareil pour l'informatique. Moi, étant informaticien, tout ce qui est élection par informatique et tout, je trouve que c'est hyper dangereux parce que encore plus facilement trucable, quoi. Enfin, falsifiable. Que des élections avec du papier, quoi. L'informatique, c'est vraiment, je trouve que c'est dangereux, quoi. Je sais pas, il y a beaucoup de gens qui ont l'air de faire confiance à ça, mais il y a rien de plus facile que de truquer une élection informatique. Enfin, moi, je trouve ça assez dangereux, quoi. Moi, personnellement, voilà, quoi. Ça, c'était mon sentiment en tant qu'informaticien. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions, notamment sur ce que vous disiez, l'idée d'un parti provisoire, enfin d'un parti qui est élu, mais qui est élu pour changer le système de l'intérieur, un peu peut-être comme sur des modes différents, mais Podemos, Syriza, pas provisoire, mais qui avait des ambitions de changer le système. Ça marche là ? Bon, eh bien, recréer le centre, les extrêmes s'en iront, l'équilibre sera retrouvé et ça va marcher fantastique. Recréons le centre. Juste pour réagir par rapport à ce que tu as dit, Podemos, c'est pas un parti provisoire. D'accord ? Et Podemos, je sais pas si il est provisoire, c'est-à-dire ouais, qu'il serait juste là pour changer le système. Après, il disparaît, quoi. C'est l'idée, ce serait ça, voilà, transformer la Constitution. L'idée, elle est pas de moi, hein, elle est pas de moi l'idée, mais voilà quoi, j'ai entendu parler de ça quoi, enfin j'ai entendu cette idée que je trouve pas complètement stupide quoi. L'idée d'un parti provisoire, mais un parti provisoire qui serait juste là pour changer le système, après il s'arrête quoi. Parce que c'est le après c'est Podemos, je sais pas si les indignés du 15e là sont vraiment contents de Podemos. Et alors Syriza encore moins là, on voit ce qui se passe en ce moment là. Non, c'est justement pas comme Podemos ou Syriza, je pense qu'il faudrait que ça s'incarne. Enfin voilà quoi, pour réagir à ce que tu viens de dire. L'autre micro peut-être. Juste une remarque par rapport à la question des primaires. Je pense qu'aujourd'hui, on met la charrue avant les bœufs. J'ai l'impression qu'on focalise sur le candidat, sur le citoyen éventuellement, etc. Mais je pense qu'il faudrait d'abord poser le programme. C'est ça, je pense, la question fondamentale. C'est quelles sont les idées, quelles sont les réformes que les citoyens attendent. Et ensuite, à partir du moment où ces idées auront fait l'objet d'un consensus et auront été bien, je dirais, cadrées, à ce moment-là, rechercher un candidat pour porter ses idées sous la forme d'un mandat impératif et révocable. Mais là, on est vraiment dans l'inversion des, je dirais pas des valeurs, mais dans l'inversion des choses. On cherche à tout prix un candidat, alors qu'il n'y a aucun, il y a pas encore de, on n'a pas déterminé vraiment des idées qu'on fait consensus, des réformes. Oui, mais alors, pouvez-vous nous en parler? Je sais qu'il y a ici des cahiers de doléances qui sont proposés et à partir de cela, la commission constituante prétend justement proposer un certain nombre de propositions et en partant justement de ce que demandent clairement les gens. Il y avait une réaction, ouais, sur la gauche. Droite, pour vous. Bonsoir, bonjour plutôt. Moi, c'est Dédé Michael. Je suis sociologue, j'ai un master en sociologie, mais je voudrais vous poser une question. Je voulais poser une question à monsieur l'informaticien. Il a mal. Alors juste, si c'est une autre question, on la prendra, parce qu'en fait là on répondait, même si c'est un peu éloigné du sujet, mais on débattait sur la question. Non, deux secondes simplement. Oui. Juste pour dire, parce que moi je ne maîtrise pas l'informatique, vous voyez, mais je voulais juste éclairer, qu'il m'éclaire un peu sur l'informatique, parce que j'ai l'impression que c'est pas l'homme qui domine l'informatique, mais c'est l'informatique qui aujourd'hui, à présent, domine l'homme. Est-ce que vous avez envie de répondre quelque chose là-dessus? Je suis un peu d'accord avec ce que dit ce monsieur. C'est un peu comme toutes les créations. Allô? Ouais. C'est un peu comme toutes les créations de l'homme. Hein. À un moment donné, l'homme crée des choses et les choses prennent une certaine autonomie. Et après, c'est elle qui aliène l'homme. On a plein d'exemples. Le capitalisme, c'est un super exemple, quoi. On a une espèce de machine seule qui domine l'homme. C'est quoi le capitalisme? C'est simplement. Allô? C'est simplement faire de la plus-value, le capitalisme. Donc c'est un truc complètement inhumain, qui tient plus compte de la vie, qui tient plus compte de la nature, qui les espèces disparaissent, la nature est polluée, etc., etc. Le capitalisme, il s'en fout. Le capitalisme, c'est juste une machine à faire des bénéfices, à faire de la plus-value, et c'est tout, quoi. Voilà un bon exemple d'aliénation, de création de l'homme que l'homme ne maîtrise plus, quoi. Et il y en a d'autres, hein. La science aussi peut aussi avoir... Je vais peut-être pas m'étendre, c'est peut-être pas le sujet-là, donc je vais redonner la parole. Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques sur cette question qui a donné beaucoup de grains à moudre, sur la question de la politique doit-il être une question de profession, laissée aux professionnels ou aux citoyens, on va faire un petit intermède poétique Avant de passer à la nouvelle question, très rapide, il y a Camille qui voudrait nous lire un poème qu'elle a écrit et qu'elle voudrait partager avec nous. Donc on ne partage pas que des questions, mais aussi d'autres choses. Donc Camille, je te laisse la parole. Merci, bonjour à tous. J'ai des parties pour aller taguer ce texte en fait sur l'un des murs libres d'expression qu'il y a dans Paris. Et en passant devant cette place, je me suis dit que ça ferait beaucoup plus sens de vous dire ce que j'avais sur le cœur suite aux attentats du 13 novembre. Voilà ce que ça m'a inspiré, je voulais le partager avec vous. En descendant la rue de la Fontaine au Roi, mon regard s'attarda sur un bouquet de fleurs. Ni fané fait de son éclat, il reposait tranquille aux dernières lueurs. Tiré de mes pensées, j'apercevais alors, quelques mètres plus loin, un champ entier fleuri. Il fallut me convaincre, et non pas sans effort, que j'étais bien toujours en plein cœur de Paris. Joyeuse apparition, rencontre inattendue, la rue chargée soudain d'un parfum printanier faisait se relever les têtes abattues des passants affairés s'arrêtant étonnés. La fête résonnait, vibrant de toutes parts. Sa jeunesse était là, riant sans retenue. On eût cru entendre la musique du bar et les derniers éclats des voix qui se sont tues. Merci. Merci beaucoup Camille pour ce beau poème. Alors, on va passer à la prochaine question. Aude, tu veux, je sais pas, alors, et la lire pour pas que je monopolise le mic. On reste un petit peu sur le même thème. Est-ce que vous pensez que le mouvement Nuit Debout ne s'essouffle pas ? Alors, donc on reste sur le même thème. Est-ce que vous voulez traiter cette question ou est-ce que j'en tire une autre au sort ? Si vous voulez qu'on tire, qu'on change et qu'on passe à une suivante, vous faites comme ça. Et si vous voulez traiter la question, levez la main, je sais pas. Vous faites comme ça. Une. Juste une remarque ? Bah alors, juste une remarque et puis après, on passe à une autre question. Oui, bonjour. Je m'appelle Clémence et ça fait un petit moment que je viens sur cette place, plus ou moins régulièrement ces derniers jours. En fait, effectivement, rythme. Enfin moi, plus qu'un essoufflement, je vois un changement de rythme. Pourquoi ? Parce que la première semaine, on avait le droit, enfin les deux premières semaines, on avait le droit de s'installer sur la place. Ensuite, on a eu un rythme plus nomade. On était obligé de démonter les installations. On est en train de s'adapter. Est-ce qu'on s'essouffle ? Est-ce qu'on perd du monde ? Je sais pas. Sur les manifestations avec la loi de travail, je pense que la dernière, on avait plus de monde que l'avant-dernière. Au niveau des gens sur la place, il y a toujours des gens qui viennent se renseigner à l'accueil, il y a toujours des projets qui se montent, que ce soit des projets numériques ou des projets plus concrets, comme l'occupation de banques ou je sais pas. Mais de toute façon, il va être nécessaire de s'adapter. On peut pas rester tel qu'on était les premières semaines parce qu'on était dans la création du mouvement. Faut l'inscrire sur une temporalité plus durable, plus pérenne et c'est une difficulté en plus à voir si ça s'essouffle ou pas. C'est juste peut-être un changement de temporalité. Enfin, voilà. Merci. D'autres réactions sur ce point où on passe à... Ouais. Il y a une propagande en ce moment du gouvernement où on nous rabâche que le mouvement Nuit Debout s'essouffle. Bon, premièrement, on a quand même réussi le Global Debout, l'international, c'est-à-dire des liens avec toutes les places, et ça c'est quelque chose qui est réel. Et deuxièmement, faut pas oublier que à l'origine de Nuit Debout, il y avait la convergence des luttes, et je crois qu'elle est très très très réussie. En ce moment, quand on voit tout ce qui se passe au niveau du blocage de l'énergie, des raffineries, maintenant du nucléaire, de toutes les actions qui se passent au niveau des postiers, etc., je pense pas que ça s'essouffle de ce point de vue-là. Peut-être qu'on n'est pas tout le temps sur la place, mais il y a plein, plein d'actions. Merci. Là, ça me fait penser à une phrase qu'a dit récemment un ministre de l'économie. Les Français en ont marre du désordre. Voilà. Je ne sais pas si vous en avez marre du désordre, mais bon, peut-être que si vous êtes ici, vous n'êtes pas forcément que des amateurs de l'ordre. Alors, on passe à une question suivante. Ouais. Il y a beaucoup de questions apparemment hein, sur Nuit Debout, sur le mouvement, ses suites. Alors, ça, on l'a déjà posé. Première question de tout à l'heure. L'aliénation, au sens du spectacle de Guy Debord, l'aliénation, comment la définir aujourd'hui et comment s'en défaire ? On est d'accord pour traiter cette question ? Est-ce que c'est une question qui vous intéresse ? Est-ce que c'est une question que vous comprenez déjà, qui vous parle ou pas particulièrement ? Et est-ce que vous avez envie d'en parler ? Passé ? Trop bac de philo ? Trop... Tu veux dire un mot ? Bon, bah oui, et puis après on passe à autre chose alors. Ah, c'est un peu... Qu'est-ce qui se passe ? Ah bah d'accord, faut se rapprocher. Oh, il marche pas là. Il marche. Donc ouais, j'ai un... Non, c'est bon. Donc c'est un peu l'aliénation, c'est ce que je parlais tout à l'heure. En fait, c'est... En fait, c'est un concept qui a vraiment été... Enfin, c'est une notion qui a vraiment été conceptualisée par Hegel, qui a été repris par Marx, qui a été repris par plein de gens. Et en fait, c'est l'homme, il crée quelque chose, et après, la chose qu'il crée, elle l'aliène, quoi. Ça peut être le travail, ça peut être l'économie, par exemple. L'économie, au lieu d'être au service de l'homme, c'est l'homme qui est au service de l'économie. C'est ce qu'on voit justement avec le capitalisme, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Mais il me pose vraiment problème ce micro là, j'ai les coupures, hein, je sais pas. C'est la façon que je le tiens. Je sais pas, j'avais un problème avec le micro. C'est bon, hein, tout le monde m'entend ? Ouais, là c'est bon. Donc voilà, bon, l'aliénation, c'est l'homme crée quelque chose. Voilà, l'objectif, il crée, je sais pas, ça peut être une machine, ça peut être une voiture, ça peut être. Voilà, tout ce que l'homme crée, quoi. L'homme, par définition, il conceptualise, il crée, il a un langage, une intelligence qui lui permet de créer des choses. Et ces choses, à un moment donné, elles peuvent s'autonomiser et l'aliéner. C'est le cas du capitalisme. Le capitalisme, c'est une créature de l'homme. En fait, le but du capitalisme, à un moment donné, c'est plus l'homme, quoi. C'est de faire du bénéfice. C'est de perdre le bénéfice à tout prix. C'est ce que les économistes parlent tout le temps de croissance, faire de la croissance. Pourquoi ? Ben parce que le capitalisme, par définition, c'est la plus-value. C'est faire de la plus-value, c'est perdre du bénéfice. Et à un moment donné, voilà, la chose s'autonomise. Et le terme d'aliénation, voilà, c'est ça. C'est que la chose aliène l'homme. L'homme est aliéné au capitalisme. C'est-à-dire que c'est plus le capitalisme. C'est plus un objet que l'homme crée qui sera un instrument pour lui servir. C'est l'instrument qui devient lui-même qui s'autonomise, quoi, qui prend l'indépendance et qui lui-même domine l'homme. Voilà. Le capitalisme, je sais pas si vous voyez par exemple une société. Prenez un exemple d'une société capitaliste. On prend Coca-Cola. À un moment donné, Coca-Cola, son but c'est quoi ? De faire du bénéfice. Les hommes. N'importe, même les hommes, ils vont travailler, ils vont mourir. L'entreprise, elle va continuer à vivre, à faire du bénéfice. Voilà, c'est ça. Et le problème du capitalisme, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, le capitalisme, bah, il fait du bénéfice. Il se fout complètement de la vie, de la nature. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. De la nature. On peut polluer, ça n'a pas de problème. À partir du moment où on fait du bénéfice, on voit pas la pollution. À partir du moment où on fait du bénéfice, on voit pas que les espèces disparaissent. À partir du moment où on fait du bénéfice, on voit pas qu'on peut faire souffrir l'homme, mettre des gens au chômage, que des hommes peuvent se suicider, etc., etc. C'est le problème, voilà. C'est ce qu'on appelle l'aliénation. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre à ce propos ? Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça le concept d'aliénation, c'est plus l'objet domine l'homme, l'homme est aliéné par l'objet, quoi. L'objet n'est plus un instrument qui sert l'homme, c'est l'homme qui est au service de cet objet. Voilà. Merci, je pense que c'était très éclairant pour mieux comprendre ce mot un peu complexe, un peu touffu. Est-ce qu'il y a des gens du coup qui veulent réagir sur cette question de l'aliénation qui devient une sorte de déshumanisation ou dénaturation ? Si je bien suivi ta pensée. Ouais. Faut se méfier des mots quand même. Aliénation, on l'utilise un peu dans tous les sens. Je pense qu'aliénation, ça peut être vu aussi comme une manière polémique de désigner les passions d'autrui. Donc, c'est une manière de dire des choses qu'on n'aime pas chez l'autre. On dit il est aliéné. Voilà, on est tous en proie à des passions. Si c'est pas les nôtres, on appelle ça des aliénations. Si c'est la nôtre, ben on dit c'est ma passion. C'est sympa. C'est comme quand on parle d'idéologie, c'est une manière de discréditer la pensée d'autre. Voilà, c'est ça. Donc je veux juste dire qu'il faut se méfier des termes. Et après, il y a effectivement des sens historiques aux mots. Voilà, je ne vais pas revenir dessus. Oui, j'entends que c'est, vous voulez dire que ce n'est pas le même sens de l'aliénation. Ce n'est pas le sens de aliéner, comme on dit, comme on disait en tout cas pour un malade mental, par exemple. Ouais. Ça a un rapport, mais ce n'est plus tout le même sens. Ça a évidemment un rapport, hein, quand quelqu'un est aliéné dans le sens où il est fou, c'est qu'il n'est plus lui-même. Et ça a le même, en fait, ça a le même sens que l'aliénation dont je parlais. Sauf que là, on attribue le sens d'aliéné à l'homme, c'est tout. Que là, moi, ce que je parlais, c'était l'aliénation quand l'homme crée quelque chose et que la chose aliène l'homme. Voilà, là, c'est différent. La chose qui aliène l'homme, alors que là, toi, ce dont tu fais allusion, c'est l'homme qui est aliéné, quoi, qui est fou, quoi, qui est autre. Qui est autre, en fait, hein, l'aliénation, c'est autre, quoi. Il y a ce sens-là dans la racine latine. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir sur la question de l'aliénation ? La question exacte. La question exacte, c'était qu'est-ce que l'aliénation et au sens de Guy Debord. L'aliénation, comment la définir aujourd'hui et comment s'en défaire ? Ouais, on a plus peut-être parlé de la première question que de la seconde, mais je pense que la question faisait plus faisait plus référence à l'aliénation au sens de Hegel ou que va reprendre Marx, enfin au sens où l'homme crée un objet, après cet objet prend de l'autonomie, de l'indépendance, et c'est lui-même qui domine l'homme, quoi. Voilà, on peut penser à la religion, hein. Ça a été repris aussi par Feuerbach pour la religion, Marx l'a repris pour le capitalisme, le fétichisme de la marchandise, c'est à un moment donné la marchandise, même l'homme devient marchandise, quoi. C'est tout qui devient marchandise, c'est pareil, c'est une aliénation aussi. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est obligé de se vendre sur le marché du travail comme des marchandises, quoi. Voilà. Alors, tout ça, c'est très intéressant. Après, c'est beaucoup de références. Et ici, on fait attention à pas, balancer les. C'était pas. C'était très bien, mais il y a pas de souci. Mais je veux dire, ça nous mènerait dans des grands débats et ça mériterait une heure en soi, je pense, de faire toute l'histoire de l'aliénation depuis Marx jusqu'à aujourd'hui. Donc on va pas se lancer là-dedans, mais comme ça, je pense qu'on a bien éclairé le sens de ce concept. On passe à une question suivante. Ouais, n'hésitez pas à vous rapprocher, à venir vous asseoir de manière sphérique, si vous le souhaitez. Il fait beau. Allez. Alors, en quoi le marxisme est-il toujours d'actualité ? Est-ce que vous voulez qu'on traite cette question ? Est-ce qu'elle vous inspire ? Alors, si vous voulez qu'on la traite, vous faites comme ça. Et si vous voulez qu'on la passe, vous faites... Donc c'est... Qui veut qu'on la traite ? Ok. Ok. Et qui veut qu'on la passe ? Qui veut qu'on la passe ? Bon, on va la traiter, alors. Donc, la question, est-ce c'est... Est-ce que vous voulez parler ? Tu peux répéter la question ? En quoi le marxisme est-il toujours d'actualité ? Ouais. Une remarque ? Une remarque de monsieur. Allô ? Oui, Pascal. Non, je dirais plutôt, à mon avis, Karl Marx, il a écrit quelque chose à une époque, il a réfléchi sur des choses. Et à mon avis, il y a sûrement autant de matière aujourd'hui à écrire ce qu'aurait pu écrire Karl Marx. Allô ? Allô ? Allô ? Ouais ? décidément, avec son écran, j'ai des problèmes. Donc, en quoi Marx, Karl Marx est-il toujours d'actualité ou le marxisme? Bah, c'est ce que je viens de dire à l'instant, hein, je viens d'en parler, avec le concept d'aliénation, quoi. Donc, chez Marx, évidemment, Marx, c'est quelqu'un qui est du 19e, donc c'était un homme de son temps, donc évidemment, il y a des choses qui, au 19e, ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Marx était un positiviste, c'est-à-dire qu'il croyait en la science, au progrès, ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la notion de progrès avec le nucléaire, avec les bombes atomiques, on sait que bon, le progrès, ça, c'est dangereux aussi, quoi. À l'époque de Marx, lui, il faisait confiance au progrès, quoi. Donc, lui, il était aussi, il avait un côté très raison économique, quoi. Il était très influencé par Adam Smith, par enfin les économistes du 18e, etc. Aujourd'hui, on est un peu revenu. Allô? Ouais, voilà. Et bon, en quoi il est toujours d'actualité? Bah, il nous parle par exemple de l'armée de réserve. Ce qu'il appelle l'armée de réserve, c'est les chômeurs qui permettent de mettre les gens en esclavage, hein, parce que quand si on est tant qu'il patron. Si on n'est pas content, comme nous dit le patron, il y a 50 personnes qui attendent notre place. Hein, donc, le chômage, c'est une épée de Damoclès qui pèse sur chaque tête des travailleurs. Tout le monde a peur de se retrouver au chômage. Et on s'aperçoit que depuis les années, la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui, le chômage est structurel. Et on voit que dans les relations au travail, c'est de plus en plus dur. C'est très, très, très dur, les relations de travail. C'est justement à cause de ça, c'est que les gens, ils ont le trou, pas possible de se retrouver au chômage. Et donc, Marx nous parlait de ça, quoi, de l'armée de réserve des chômeurs. Il nous parlait aussi du fétichisme de la marchandise, voilà, il nous fait tout un... Ça, c'est dans le Capital, c'est très intéressant, c'est un passage à lire, hein. Je pense que j'encourage tous les gens à aller lire ça, qui dit que, voilà, c'est tout qui devient marchandise, même l'homme. Et on voit que c'est vrai qu'on n'est plus que des consommateurs, et toutes les marchandises, c'est vrai, quoi, que il suffit de le voir, même les termes que nous utilisons, hein, faut se vendre. C'est un terme quand même qui est pas anodin, quand même, quand on dit faut se vendre. Voilà, quoi, on est vraiment des marchandises, faut se vendre sur le marché du travail. On parle bien du marché du travail. On n'est plus des êtres humains, on est des marchandises. Voilà, c'est ce que Marx avait par, c'est ce dont Marx parle dans le Capital. Voilà, je trouve que c'est quand même bien trouvé, quoi. Enfin, c'est quand même bien analysé, c'est toujours d'actualité. Il nous parle encore d'autres choses aussi, il parle des monopoles. Les monopoles, aujourd'hui, bah voilà, il suffit de regarder. En France, par exemple, il y a 5 centrales d'achat qui détiennent 95% du commerce en France, quoi. C'est quand même, même, je sais pas s'il y a d'autres pays dans le monde qui sont, où c'est aussi conséquent, quoi. 5 centrales d'achat qui détiennent 95% du commerce en France. Si ça, c'est. Et c'est évident, quoi. Pardon, moi, j'ai pas envie de filmer, excusez-moi. Ouais. Voilà. Oui, les monopoles, on nous parle, par exemple, dans le traité européen de concurrence libre et non faussée, on sait très bien que le renard est libre dans le poulailler, comme on dit. Hein. À un moment donné, il y a une concurrence, et puis c'est les gros qui mangent les petits, puis à la fin, il n'y a plus que des gros, quoi. Donc, il n'y a pas de concurrence libre et non faussée. En France, comme je viens de le dire, il y a 5 centrales d'achat qui tiennent 95% du commerce en France, quoi. Les carrefours et autres, tout ça, voilà, tout ça, c'est... vous pouvez, les petits commerces, ils n'ont aucune chance, quoi. Même au niveau, ils peuvent même acheter des produits, faire couler des commerçants, ils font ce qu'ils veulent, quoi. C'est des puissances financières, et même mondiales, hein, carrefour, ils sont partout dans le monde, quoi. Donc, ouais, voilà, quoi. Les monopoles, ça a été théorisé par Marx, c'est toujours d'actualité, voilà, pour les quelques exemples sur Marx. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Il faudrait que tu reviennes faire une intervention d'une heure. D'ailleurs, j'en profite pour dire juste, oui, je vous passe la parole, qu'il y a eu une action de Nuit debout Grenoble, justement dans une de ces 5 grandes centrales, dans un carrefour, hier ou avant-hier, je sais plus, il y a 2-3 jours. Voilà, ils ont fait un banquet festif dans le carrefour. Ils étaient une quarantaine. Ils ont installé des tables et ils en ont profité pour faire un forum pendant une demi-heure pour discuter avec les gens en utilisant le fait que que en fait on a, le consommateur, c'est dans la loi, a le droit de goûter le produit avant de l'acheter. Et donc il y a un peu un vide juridique là-dessus, et donc ils ont utilisé ce et ils se sont pas fait virer, ils ont été tolérés, hein, et ils ont même pu faire utiliser les haut-parleurs de l'hypermarché pour faire une annonce pendant 2 minutes à la fin. Donc voilà, il y a des actions dans ce sens-là qui se passent. Oui. Juste un petit point technique. Carrefour, c'est un distributeur, c'est pas une centrale d'achat. Voilà, c'est juste. Ah oui, excuse-moi. Voilà. Oui, oui. Et donc, je répète la question, en quoi le marxisme est-il toujours d'actualité ? Alors, la question... Alors, peut-être viens et mets-toi de l'autre sens, parce que c'est plus intéressant. Ouais, de c'est excusez-moi. Pas de soucis. Alors, à la question que vous posez dans ce débat, en quoi déjà... Les idées du marxisme sont toujours d'actualité. C'est tout simplement que, à cette époque-là, à l'époque de Marx, il y avait une catégorie de visionnaires, de gens qui ont travaillé non seulement dans leur pensée, comme la phrase d'un philosophe, je pense donc je suis, mais on nous parle de Marx nous a parlé de ça, la question réellement, c'est pourquoi elle est d'actualité. Elle est d'actualité parce que c'était des visionnaires, la situation, l'économie de l'époque était pas semblable à celle d'aujourd'hui. Il n'y avait pas des carrefours, il n'y avait peut-être pas des sociétés il n'y avait pas 5 sociétés qui dirigeaient, ok, il n'y avait pas des carrefours, mais c'était une autre époque. Mais eux étaient des visionnaires, c'était le siècle des Lumières. Ah. Tout à fait, monsieur. Tout à fait, monsieur. C'est une continuité. Que Marx, c'est 19e siècle et le siècle des Lumières, 18e. C'est une continuité des siècles des Lumières. Merci. Merci. D'autres interventions sur cette question de l'actualité de Marx et du marxisme, de la pensée marxiste aujourd'hui ? Non ? Alors on va peut-être passer à la question suivante. Qui veut venir tirer au sort la question ? Ouais, pas de pratique. Bon, on a tout écrit de la question. Monsieur là-bas. Non, je répète donc pour les gens qui sont arrivés entre-temps, que ce sont toutes des questions qui ont été posées par vous, par les gens de l'assistance de l'éducation populaire. Vous voulez tirer ? Allez. Alors du coup, ça ne vous dérange pas aussi de la lire ? Allez. Ah bah c'est dur à dire. Alors, est-ce que Karl Marx est toujours d'actualité ? Non, c'est une blague. Apparemment, il y a des doublons. Je mets mes yeux alors. La transformation de la société, si nous la souhaitons, ne passe-t-elle pas par une transformation des pratiques ? J'aimerais poser la question du faire ensemble. Merci. Ça va, vous avez bien entendu ? Alors, je relis la question et on voudrait vous demander, comme toujours, si vous voulez traiter cette question ou passer à une question suivante. La transformation de la société, si nous le souhaitons, ne passe-t-elle pas par une transformation des pratiques ? J'aimerais poser la question du faire ensemble. Est-ce que ça vous intéresse ? Ou est-ce que vous voulez que on passe à la suivante ? Ouais, ça vous intéresse ? Ok, cool. Du coup, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de réagir sur cette question du faire ensemble et du passage par la pratique ou les pratiques pour transformer la société ? C'est peut-être votre question, en fait. Non. Non, mais juste pour peut-être lancer le débat. Très bien. Moi, j'aime pas monopoliser. Peut-être que dans la question, ce qu'on voit, c'est la notion de faire ensemble, et que les pratiques d'aujourd'hui sont souvent des pratiques qui sont tournées vers l'individualisme. Hein, je crois qu'on a tendance à vouloir faire que la société s'organise d'abord autour de l'individu, et que les individus pensent d'abord à eux avant de penser aux autres. Et peut-être que l'idée du faire ensemble qui est posée dans la question, c'est comment on pourrait se réapproprier toutes les questions importantes, plutôt collectivement, pour chercher des solutions ensemble, plutôt qu'à chaque fois se convaincre qu'on a trouvé une solution pour soi, qui des fois, on se rend compte, devient incompatible avec le sort des autres. Et à ce moment-là, on voit ce que ça donne, hein, une société très injuste, très inégalitaire, et qui va peut-être péter. Moi, je pense aussi que la transformation de la société, elle s'impose du fait notamment de l'urgence climatique et de toutes ces questions qui nous obligent à réfléchir ensemble à ce qu'on fait face à la planète. Parce que là, pour le coup, on est tous impliqués, quel que soit l'endroit où on est. Donc, je pense qu'il y a une transformation là qui s'impose. Je ne sais pas comment on va l'organiser. Mais on commence à y penser déjà. Hein. Ce qu'on fait là, c'est déjà ni plus ni moins réfléchir à comment on s'empare de... Qu'est-ce qu'on va faire, oui, nous, pour pas seulement s'adapter, je veux dire, au changement climatique, par exemple, mais véritablement changer nos attitudes, changer nos pratiques pour répondre, par exemple, à cette urgence. Il y a une obligation de transformation de la société dans ces pratiques, c'est clair. J'en suis convaincue. D'autres personnes pour répondre à cette question ? Je pense, enfin, je suppose, hein, je sais pas si l'auteur de la question est parmi nous, mais qu'il y avait peut-être aussi derrière l'idée qu'il ne s'agit pas seulement de transformer les esprits et les débats et les idées, c'est très important, mais de passer aussi par des actes pratiques ou des habitudes, etc. Ah oui, il y avait une question à droite, tout à fait, une réaction. Bonjour à tous. Oui, en fait, moi je réponds en même temps voilà, à la question de l'ami du monsieur, parce que je suis un petit peu dans le même sens de ce que vous venez de dire. Parce qu'en fait, moi je pense que voilà, ça a été marqué sur le papier et on est vraiment en plein dedans. Et de changer, c'est vraiment changer. C'est, tout le monde est là, on va dire, pour essayer de changer une société. On est là pas pour essayer de se dire qu'est-ce que je vais encore pouvoir faire ou dans quelques années qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Non, là on est là, on est vraiment là. On est en train de se battre. On se bat pour un changement radical de la société. On est là et je pense que cette personne qui a posé cette question, elle allait dans ce sens-là. Sinon elle aurait pas posé. Et je pense qu'aujourd'hui on se bat tous, on voit tous autour de nous. Parce que moi je fais partie du debout depuis le premier. Enfin, depuis le 31 mars, ça va continuer. Et que le jour où ça va s'arrêter, bah, c'est qu'on aura gagné et que ce gouvernement dégagera et qu'il n'y en aura plus derrière. Et le changement, c'est ça. C'est que nous, on avait déjà proposé, on va dire, et ça a été de s'en discuter, c'est continuer d'en discuter, de se dire aujourd'hui, de se battre contre ce système. Ce système, c'est les partis. Il y a énormément de partis qui se grèvent. Il y en a encore un qui a fondé son parti en se disant qu'il n'allait pas se présenter aux élections, alors que non. Si on crée un parti, c'est parce qu'on sait pourquoi, on a envie de se présenter. Et nous, on a demandé à que les gens réfléchissent à ça, justement. De se dire, pourquoi nous, en changeant de nom, pas Nuit Debout, mais en s'appelant, je sais pas, les citoyens ou n'importe quoi, ou le peuple, je sais pas. Mais voilà, que nous aussi, on puisse, nous aussi, mais dans le même sens, aller dans le même sens de changement, mais en gardant les mêmes idées qu'eux. Ça veut dire en allant nous aussi faire proclamer notre volonté de vouloir changer en allant voir les gens, en mettant des affiches, voilà, tout simplement, en parlant de ce que nous, on veut changer. Et nous, ce qu'on veut changer, c'est que l'Assemblée nationale, on sait tous, il y a plein de gens qui l'ont dit, qu'il n'y a que des énarques, il n'y a que des gens qui sortent de grandes écoles, qu'on n'en veut plus. Moi, je suis d'accord avec ça, parce que j'ai pas besoin de quelqu'un qui ait fait HEC ou compagnie pour venir me dire ce que je dois faire. J'ai un cerveau, on a tous un cerveau ici. Hein, des gens qui travaillent à la poste, des gens qui sont ouvriers, des gens que chacun a son travail, chacun a un cerveau, hein. Et comme je disais, je vais être un petit peu cru, mais nous on chie, on pisse, eux ils chient, ils pissent aussi. Donc c'est exactement la même chose que je suis en train de dire, et que voilà, qu'il n'y a pas que eux qui peuvent dominer un pays, et qu'on voit qu'aujourd'hui, depuis plus de 40 ans, ce qu'ils en ont fait, je pense qu'à mon avis, nous-mêmes, et que c'est que je rejoins une personne qui a dit ça, même au niveau de l'écologie, etc. On est largement à même aujourd'hui de pouvoir s'auto, je dis bien s'auto-financer nous-mêmes, quand je dis nous-mêmes, avec d'autres pays, en même temps qui sont complètement d'accord avec nous, dans le fonctionnement, sans avoir de personnes qui s'en foutent plein les fouilles, qui vont à droite, qui vont à gauche, en train de papoter. Ça veut dire qu'à l'Assemblée nationale, des pôles, voilà, un pôle santé, des personnes qui travaillent dans la santé, des médecins, des chercheurs, des personnes qui sont ouvriers, des personnes qui travaillent dans la métallurgie, par exemple, ou des personnes qui travaillent à la blanche, qui sont la mine de la restauration, qui se regroupent avec les gens qui font tout le métier de la bouche. Qu'aujourd'hui, là-bas, il y ait des pôles et que chaque représentant de chaque pôle puisse s'exprimer au nom de son pôle. Et là, on va pouvoir avancer et on sera dans une vraie démocratie parce que si quelque chose ne va pas, chacun va pouvoir en rediscuter, mais ne pas aller balancer une loi ou un projet à la con parce que ça a été fait à la va-vite, parce qu'on n'a pas pris le temps d'en parler, parce qu'on n'a pas vraiment pris le temps d'en parler avec les gens concernés. Alors que là, dans ce genre de registre-là, dans tous ces fauteuils qu'il y a là-bas, les personnes qui y seront, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent, c'est des gens qui savent de quoi il s'agit, c'est des gens qui ont travaillé là-dedans, c'est des gens qui, leur cerveau, voilà, ont servi à ça, et vont servir à toutes les personnes de toute la France et des autres pays ailleurs aussi. C'est pour ça qu'ils nous regardent aussi. Ils regardent ce qu'on va faire par rapport à ça. Donc voilà, moi je pense que le changement que la personne voulait parler, c'est ça, c'est un changement radical, mais toujours dans la même restructuration, de le faire intelligemment, mais pas comme eux. Voilà. Merci. Alors, il y avait une intervention, oui. Pour rejoindre ce que tu dis, je pense que ce dont tu parles, c'est de... N'hésitez pas à vous avancer un petit peu. Des dominants et des dominés. Je pense que si on veut que la société se transmette par l'éducation, peut-être se reposer les questions sur les valeurs, sur ce qu'on a envie de transmettre aux enfants dans le système éducatif. Est-ce qu'on n'a pas un système éducatif qui est très élitiste, justement, qui met en avant un certain nombre de grandes écoles, qui seraient celles qui permettent d'aller justement au pouvoir et de décider pour tous, alors qu'il y a plein de manières de faire valoir les compétences des gens. Je veux dire, il n'y a pas de catégorisation qui devrait comme ça laisser de côté les gens. Je pense qu'il faut qu'on repense le système éducatif de manière beaucoup moins élitiste, comme le font certains pays, de manière à donner la parole à tous les gens des catégories professionnelles différentes, et puis éviter justement cette situation de dominant, de dominé dans les prises de décision. Voilà. Merci. D'autres réactions là-dessus, notamment sur l'école et l'éducation. Et d'ailleurs, moi, ça me fait penser aussi qu'on a une éducation très théorique en France et pas beaucoup de savoir-faire, de place à la pratique comparé à d'autres pays comme le fameux modèle scandinave, mais pas que. Et donc, on pourrait aussi, rendre justice à l'importance du savoir-faire pratique dès les écoles primaires et maternelles et ensuite. Et du coup, ça se valoriserait peut-être plus la pratique aussi dans la société. Oui, bonjour. En fait, il ne faut pas oublier que la France est un pays empirique, d'empire, et que le système éducatif ne peut pas être libre et indépendant, ce qui fait qu'on a des professeurs qui sont, comment dirais-je, qui acquièrent des savoirs tronqués que leur impose un système empirique qui a besoin donc de garder leur domination sur les autres. Donc on arrive avec des professeurs super gentils, super, avec beaucoup d'amour, mais qui nous apprennent n'importe quoi. Et donc quand on leur dit, mais c'est un peu n'importe quoi, et là on arrive à un problème. Parce que le professeur, il a fait des années d'études pour avoir son diplôme, pour pouvoir représenter l'éducation nationale. Et quand il découvre que ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi, c'est très difficile pour lui de faire chemin arrière, tellement les années d'études ont été longues. Donc, est-ce que la France prend conscience de sa situation d'empire et prend conscience que toutes les clés du système sont gouvernées par les mêmes personnes qui veulent garder ce pouvoir et donc empêcher le savoir d'être transmis? Alors, est-ce que tu aurais une idée, justement, pour rattacher ça à la question, de quelle transformation des pratiques pour être impulsé à ce niveau-là éducatif, pour permettre de changer cette situation? C'est bizarre, je me permets de vous voyer, parce que d'habitude je tutoie, mais on utilise le vouvoiement comme ça pour... parce qu'en fait le vouvoiement c'est très français en vérité, hein, pour ceux qui voyagent, ils le savent. Et donc je vous vois comme ça parce que, bon voilà, c'est comme ça. Et donc vous venez de répondre un peu à la question, c'est-à-dire que c'est la même chose. Nous avons les professeurs que nous méritons. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font Polytechnique, HEC, qui ont jamais travaillé de leur vie, qui savent même pas faire cuire un œuf, et qui deviennent nos ministres, nos présidents, nos députés. Donc comment des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie peuvent guider les autres dans un chemin et comprendre leurs besoins et leurs problèmes. Et donc le système scolaire ressemble à ce système politique, et donc c'est pas étonnant qu'on en arrive là. Donc il faut changer le politique pour pouvoir changer le système scolaire. Bonjour. Je reviens sur le système scolaire. Moi, j'ai appris à lire et à écrire seul à 25 ans. Et du coup, j'ai pas été à l'école. Et du coup, on m'a mis de côté parce que j'étais pas dans les carcans, j'étais pas dans les normes. Et il y a plein de gens qui sont mis de côté pour plein d'autres raisons, parce qu'ils sont hyperactifs ou plein de raisons pour lesquelles on met des enfants au rebut. Et moi, je pense qu'il faut prendre chaque personne pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle peut apporter. Et que c'est ça qui peut faire un monde meilleur, une civilisation, on va dire, meilleure. C'est-à-dire de ne pas essayer de formater absolument les gens à l'image qu'on veut qu'ils aient, mais plutôt à ceux qui sont. Et donc du coup moi je me suis battu toute ma vie pour pas apprendre à lire ou à écrire, ou en tout cas pas apprendre à fonctionner, enfin que mon cerveau ne fonctionne pas comme on le demande. Donc du coup j'ai inventé plein d'outils pour me repérer, pour cacher déjà que je savais pas lire, parce que ça c'est honteux, enfin en tout cas ça l'a été longtemps. Et donc du coup mon cerveau s'est développé fonctionne d'une façon différente. Donc tout ça pour dire que voilà, il faut arriver à prendre les gens pour ce qu'ils sont, hein, avec les qualités et les défauts qu'ils ont, pour arriver à créer une civilisation ou un système plus abouti. Merci. Il y avait une réaction aussi ici. Moi, je pense que c'est pas la peine d'être démagogique, parce que, évidemment, un système ne peut pas satisfaire tout le monde. Simplement, ce qu'il faut, c'est constater où est le chemin. Ce qu'il faut, c'est essayer de réfléchir et de réfléchir profondément. Or, ça ne va pas plaire ce que je vous dis, mais ce type de débat horizontaux fait que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et on ne réfléchit pas sur l'éducation. J'ai été professeur pendant 40 ans. Cette charte, on entend ? Non ? Cette charte, je l'aurais signée des deux mains en 68, je ne la signerai plus maintenant, parce qu'elle est insuffisante, elle montre un manque de réflexion, et tant qu'on ne peut pas critiquer profondément les choses, tant qu'on ne peut pas parler de l'école vraiment, on ne peut pas construire quelque chose, c'est impossible. Quand on accorde 80% de baccalauréat automatiquement à une classe d'âge, ça veut dire que quelque chose ne va pas dans l'éducation. Et il faut réfléchir en essayant de ne pas être démagogique. C'est tout ce que je dis. Alors, je tiens juste à dire sur la charte qu'il s'agit juste de la charte d'éducation populaire. Et par exemple, il y a une commission éducation ici qui a proposé une charte beaucoup plus développée sur comment rénover l'éducation aujourd'hui en France et en général. Et nous, c'est pas du tout notre objet, hein. Nous, c'est juste comment résumer très synthétiquement, et bien sûr, c'est sûrement incomplet, mais le mode d'organisation de l'éducation populaire, c'est tout. Voilà. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire l'auditrice précédente. Je trouve qu'au contraire, le fait de permettre à 80% des gens d'accéder au bac, ça leur permet ensuite de faire des études. Ça permet de démocratiser les savoirs. C'est ce qui fait qu'aussi, peut-être qu'aujourd'hui, il y a Nuit Debout. Je rappelle qu'en France, c'est quand même assez inédit, il y a 60% des Français qui ont au moins 2 ou 3 ans après le bac. ce qui permet à des gens d'avoir des connaissances qu'ils n'auraient pas eues autrement. Je trouve que démocratiser le savoir, c'est très bien. Ensuite, sur l'éducation, je voudrais reprendre. Je pense qu'il y a encore pas mal de problèmes. Il y a un gros problème déjà pour l'école, c'est que l'école, elle s'inscrit dans une société. Elle n'est pas en dehors. Donc l'école, elle s'inscrit dans une société capitaliste, hein, dans une société qui n'est pas démocratique, etc., etc. Et donc, on n'apprend pas justement tout ça. On apprend à être des consommateurs passifs. Par exemple, à l'école, qu'est-ce qu'on nous apprend ? On pose une question. Voilà, par exemple, prenez n'importe quel devoir à l'école. On vous pose une question, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit répondre. Mais jamais en question la question, alors qu'on devrait commencer par remettre en question la question. C'est ce qu'on fait quand on fait la philosophie, seulement la philosophie, on en fait qu'en terminale. Ensuite, il y a une chose qui ne va pas du tout, c'est les notes. Par exemple, les notes, il y a un gros problème avec les notes, c'est qu'on met les élèves en concurrence. Par exemple, un élève, il a une copie et on ne doit pas copier sur sa copie. Alors qu'au contraire, ce qui serait bien, c'est de partager justement, c'est de pouvoir partager. Mais bon, enfin, tout ça, je suis pas le premier à y avoir pensé. Hein. Mais les notes, ça met vraiment les gens en concurrence. Ça les apprend à être dans le système capitaliste qui est la concurrence aussi. Hein. Je rappelle que le système capitaliste, où les idées de droite, c'est la concurrence, hein, et c'est l'égoïsme et la concurrence. Et quand on a des notes, bah, c'est ça. Hein. On protège sa petite copie. Faut pas qu'on copie sur nous. Pourquoi ? Parce que on partage pas. Alors que la démocratie, c'est le contraire. On devrait partager. On devrait apprendre à partager, à collaborer tous ensemble. On devrait aussi apprendre à l'école à faire des AG comme on fait ici, dès le plus jeune âge. À faire des AG où les gens ils discuteraient entre eux. Ils apprendraient à se respecter, justement. Ils apprendraient à écouter une parole qui est différente. Parce que la démocratie aussi, c'est accepter une parole qu'on n'apprécie pas spécialement. C'est ça. On apprendrait plein de choses. Voilà, on apprendrait à s'écouter, on apprendrait à discuter ensemble, on apprendrait à partager. Ouais, l'école, c'est pas ça du tout. Et le gros problème aussi de l'école, c'est que l'école, ça s'inscrit dans un système et malheureusement, le système, il n'est pas démocratique et il est capitaliste. Ouais, c'est faire du profit et puis point barre. Alors, on a deux intervenants là qui voudraient répondre. Il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir. Il y avait vous et il y avait vous. Venez, mettez-vous plutôt ici peut-être. Moi, je voulais répondre à vous, madame, tout simplement. Je pense qu'à mon avis, vous allez avoir beaucoup de réponses là à votre question. Enfin, de contre, parce que là, en fait, c'est pas que je suis pas d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. C'est pas que je suis contre vraiment ce que vous avez dit, mais le problème c'est que là, quand on parle de la question de vouloir changer un système, moi j'ai grandi dans ce système, on a tous grandi dans ce système, j'ai 40 ans sur ma tête. Moi j'ai été élevé du système scolaire, on m'a appris des choses qui m'intéressaient pas, à la base. J'ai appris des choses après être sorti du système scolaire. On m'a appris les maths, on m'a appris le français, on m'a appris ma langue d'origine. On m'a appris tout ça. Laissez-moi terminer. Après, si vous voulez, on pourra prendre le micro. Mais juste après, j'ai appris quelque chose comme école. Et ça m'a réellement servi dans ma vie. J'ai appris l'école de la vie. Je suis parti. J'ai pris mon baluchon, je suis parti. Je suis parti dans des pays. J'ai fait plusieurs pays. J'ai vu l'école de la vie. J'ai vu ce que c'était. J'ai vu ce que c'était le partage, comme le disait le monsieur. J'ai vu ce que c'était d'aider son prochain. J'ai vu ce que c'était de quelqu'un qui est dans la rue, qui n'a rien. Que moi j'ai, je lui ai donné. J'ai appris à quelqu'un qui ne savait pas lire, comme le disait le monsieur qui était là juste à l'instant, tout à l'heure. J'ai appris aussi à des gens à lire au début et à les pousser à y aller. Ils y sont allés. Aujourd'hui, ils savent lire et écrire. J'ai poussé des gens qui voulaient faire un métier. Je les ai poussés à y aller. Je les ai accompagnés. J'ai fait les démarches avec eux. Aujourd'hui, pour moi, l'école, aujourd'hui, de ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est bien beau de parler de Napoléon, c'est bien beau de parler de Bonaparte, c'est bien beau de parler de la première, deuxième, troisième, quatrième république. Qu'est-ce qu'on en voit aujourd'hui ? C'est qu'on apprend aux enfants, justement, à rester individualistes, à penser uniquement à eux, uniquement à ce que je vais faire dans ma vie, comment je vais vivre, qu'est-ce que je vais faire comme métier. Il faut que mon métier soit le plus beau, le plus génial, il faut que ma famille soit fière de moi. Moi, je préfère que ma famille soit fière. Parce que j'ai fait l'école de la vie, comme je l'appelle comme ça, j'ai fait l'école de la rue, simplement. J'ai regardé autour de moi, j'ai vu ce qui se passait autour de moi, j'ai compris les gens avec qui j'ai parlé, Et encore jusqu'aujourd'hui, je continue encore sur cette place à voir énormément de gens et j'apprends de ces gens-là aussi en même temps. Pour moi, c'est ça la vraie école. C'est Madame Valérie Belkacem, c'est ça qu'elle devrait prôner au niveau de l'éducation nationale. C'est qu'on devrait retrouver une école qui apprenne réellement aux enfants du plus jeune âge à se respecter entre eux, ne pas se faire la guerre, ne pas se faire la bagarre. Et justement, d'essayer de leur apprendre vraiment c'est quoi les valeurs de la vie. C'est-à-dire comment on apprend à vivre ensemble. Et c'était le thème de la question, comment faire pour vivre ensemble. Vous parliez que l'éducation, le problème du changement, ça vient du plus jeune âge. Le plus jeune âge, il est là. C'est à partir du plus jeune âge qu'on commence à former quelqu'un. Lorsque vous formez quelqu'un, si on voit, si je vais donner un exemple. Si imaginez-vous qu'aujourd'hui on serait sur le système hitlérien, imaginez-vous les gamins, comment ils seraient formés. Comment ils auraient été formés. À l'âge de 18 ans, ils auraient touché une kalachnikov dans les mains et tireraient sur tout ce qui bouge. Non. Aujourd'hui, il faut remettre les enfants dans le partage, dans l'adoration, d'aimer les gens, de ne pas se faire la guerre, de ne pas arrêter de se dire « je suis ça, je suis ci, je suis supérieur à toi, ou toi t'es inférieur à moi ». Non, c'est pas ça, c'est l'égalité. Il y a trois mots qui sont là au niveau de la statue. Là. Fraternité, égalité, liberté, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu une fois de plus à votre question, qui pour moi, on va dire, qui était peut-être bien fondée, mais pas assez. Et pour moi, le changement, ça veut, si, comme je pense pareil que vous, j'ai deux gamins. Comment j'ai vu qu'aujourd'hui, comment ils sont formés, j'ai mon fils qui a fait des conneries, ma fille qui a fait des conneries. J'ai essayé de les remettre sur le droit chemin. Mais quand on veut essayer de remettre des gamins sur le droit chemin, c'est fini au bout d'un moment. Ils pensent comme la société leur demande de penser. Pognon, boulot, pognon, boulot. Tout simplement. Et ne rien regarder autour d'eux. Merci. C'est pas une violence contre vous. Hein. C'est juste... Alors, on va encore prendre deux interventions. Et après, on va passer à l'intervention suivante. Qui sera pas boîte à questions, mais qui sera retour à une intervention plus classique. Alors, il y avait monsieur... Ouais, merci. En fait... Il faut pas en vouloir à madame parce que elle y peut rien puisque elle fait partie du système. Lorsque vous expliquez à quelqu'un qui rentre dans une ONG que les ONG qui partent dans les pays soi-disant en sous-développement sont des gens qui vont faire des criminels. C'est-à-dire c'est des gens, par exemple les ONG françaises qui partent en Afrique, ils vont tuer des Africains. Quand on leur dit ça, les gens ils comprennent pas. Et madame qui a été professeur, elle a fait professeur toute sa vie, elle comprend pas ce qu'elle a fait. Et donc c'est alors qu'elle a donné de la passion. Donc faut comprendre tout ce système parce que nous sommes tous couillonnés. Elle fait partie des gens couillonnés et donc c'est très difficile de comprendre ce système. Pour en revenir à ce que monsieur disait, j'ai discuté avec une j'étais allé danser puis je me suis fait draguer par une femme qui est très jolie et qui était quand j'arrive chez elle me dit qu'elle est sociologue, je sais pas quoi, éducatrice, en fait elle va dans les écoles. Je lui dis mais de quoi tu parles? Elle me dit son boulot c'est le attends, il y a les illettrés et il y a les analphabètes. Alors je lui dis, c'est quoi l'illettrisme? Elle me dit, l'illettrisme, c'est quelqu'un qui est à l'école, mais qui n'a pas réussi à apprendre vraiment à lire et qui ne peut pas se débrouiller dans la vie. Je dis, ah bon, d'accord. Je lui dis, c'est quoi un analphabète? Elle me dit, l'analphabète, c'est quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Et donc, il ne peut pas se débrouiller non plus dans la vie, mais il n'a jamais été à l'école, donc il a un retard. Je lui dis, écoute, moi j'ai arrêté l'école en 5e, et je pense pas être un abruti. Et j'ai 45 ans et... c'est l'école ne m'a rien appris. Et donc on s'est pris un clash, on a parlé pendant une demi-heure, ça lui a fait du mal ce que je lui ai dit, mais très sincèrement, on en est arrivé dans un système où depuis qu'il y a un abruti qui a écrit la Bible, il a écrit une domination, une loi. Et maintenant on arrive avec l'école, et l'école nous donne par exemple Napoléon, et nous dit que Napoléon était un gentil qui a sauvé la France. Mais Napoléon c'était un criminel qui a vendu la France aux Anglais. Et donc comment l'école peut nous dire que ce mec était quelqu'un de positif pour la France? Alors que c'est un mec qui a détruit tous les Français, il a envoyé les Français de souche à la mort, il les a remplacés par des Polonais, tout ce que tu veux, et il a vendu la France aux Anglais. Et aujourd'hui, on nous parle de Napoléon comme un illustre je ne sais quoi. Donc, sincèrement, il faut qu'on réfléchisse tous, il faut qu'on réfléchisse tous le vivre ensemble, et je pense qu'on doit tous se remettre en question, tout un chacun, parce que nous avons tous, les uns les autres, été couillonnés par ce système, on va dire capitaliste, puisqu'on emploie le mot capital. Mais par ce système de menteurs et autres. Allô? Oui, ça marche. Je pense pas qu'on soit démagogique ici. Je pense qu'on est plutôt bienveillant. Justement, c'est pas pareil, il me semble. Voilà, je pense pas qu'on se fait des, qu'on est dans le naïf et dans l'angélisme, pas du tout. Quand j'ai évoqué au début le fait que la transformation de la société pouvait passer par l'école, j'étais pas négative en disant ça. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire. Je te rejoins quand tu dis que l'école est complètement dans le système, à savoir que c'est pas un sanctuaire, bien évidemment, l'école. Par conséquent, on est effectivement sous des contraintes. J'en fais partie, hein, donc je peux en parler. On a des contraintes d'évaluation. C'est terrible. Sans arrêt, on a des contraintes d'évaluation. Néanmoins, on a des initiatives qui sont possibles à prendre, qu'on soit enseignant ou d'ailleurs parent, qu'on soit dans la communauté éducative. Et c'est ça qu'il faut faire valoir. Moi, c'est ça que je fais valoir personnellement, là où je suis. Et il y a des initiatives à faire valoir auprès des enfants. Il y a une place à leur donner en tant que citoyen apprenant. Et croyez-moi, ça marche. Et ça permet de résister, justement, malgré tout, à ce cadre. Voilà. Et il faut encourager les gens, donc à aller voir ce qui se passe, à dire, nous, on aimerait bien qu'il y ait ceci qui se passe pour nos enfants. Et quand je parlais de valeurs, je veux dire, les valeurs, elles sont portées par tous. Je veux dire, c'est pas que... Voilà, il faut agir ensemble autour de tout ça. Il faut montrer qu'on a cet intérêt-là. Néanmoins, on est dans un cadre qui est sévère, qui est très économiquement balisé, avec des évaluations, on doit être évalué par rapport à d'autres pays d'Europe, etc. Et tout ça, ça rend pas compte du tout de la réalité de ce qui se passe forcément après, concrètement, sur place. Mais moi, je suis pas négative. Je pense qu'il y a il y a des choses à faire. Et ça se fait, je peux le dire. Après, chacun ses expériences. Mais les enfants sont toujours partants quand on leur explique ce genre de choses. Les valeurs, des valeurs telles que la laïcité, croyez-moi, ils sont en mesure d'entendre et de comprendre. Donc, quand je dis ça passe par là, c'est, voilà, on a un devoir, à travers l'école, bien évidemment, mais aussi en tant qu'usager, qu'on soit parent, voisin, cousin, voilà, d'aller voir ce qui s'y passe et donner des idées pour aller dans ce sens. Voilà. Et c'est pas de la, et on n'est pas démagogique. Je crois pas qu'on soit démagogique. Je pense qu'on est très lucide sur ce qui se passe. Après, on agit, quoi. Merci. Une toute dernière intervention et puis on va passer à la suite. Courte. Donc, juste pour. J'ai pas de chance, moi. Ah, si, c'est bon. Juste pour les 80% du bac, c'est parce que madame, elle s'inscrit dans un système. Mais je pense que c'est bien qu'il y ait des gens qui aient de la chance de pouvoir étudier, comme moi, par exemple. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir étudier. Voilà, l'école n'a pas été complètement négative parce que j'ai un savoir. J'en ai fait un peu preuve, là, cet après-midi. Donc, je voulais juste revenir sur ce que disait le monsieur, déjà, pour Napoléon. C'est vrai que, quand je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, notre école, c'est pas un sanctuaire, comme dit madame. Elle s'inscrit dans un système de dominants. Et quand on parle de Napoléon, évidemment, par exemple, on nous dit Napoléon a créé la Banque de France. On ne nous dit pas que la Banque de France, en fait, elle n'était pas de France, mais elle était privée. Voilà, par exemple, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. On nous dit que c'était la Banque de France. Et je voudrais revenir rapidement, parce que faut que je fasse court, à propos des notes. Les notes, ça engendre la concurrence et l'égoïsme. Mais il y a une chose qui est grave aussi avec les notes. C'est qu'il y a des centaines de gens qui sont frustrés parce qu'on leur a dit qu'ils étaient nuls à l'école. On leur a mis des 0, des 2, des 3. Et toute leur vie, ils vont être frustrés. Et toute leur vie, on va leur faire croire, ou ils vont croire même eux-mêmes, que c'est des nuls, alors que c'est pas vrai. Il n'y a jamais personne qui est nul. Ça n'existe pas, les gens nuls. On peut toujours se reprendre. Moi, je peux vous dire, j'ai quitté l'école de bonheur, et je peux vous dire que voilà, quoi. Tout est possible. On peut reprendre l'école à n'importe quel moment de la vie. Il n'y a personne qui est nul. Moi, j'ai rencontré plein de gens dans le travail, quand j'ai travaillé à la chaîne, qui pensaient qu'ils étaient nuls parce qu'à l'école, on leur avait dit qu'ils étaient nuls. Mais c'est pas vrai. Il n'y a personne qui est nul. Voilà. Voilà encore un gros, gros, gros défaut de la notation à l'école. Merci. Alors, à EducPop, il n'y a pas de notes. Donc, c'est cool. On est des magots. Je plaisante. Donc, on va passer à l'intervention suivante. Philippe, qui va nous apporter un regard historique sur quand et comment discréditer un mouvement populaire ou insurrectionnel en l'accusant de violence. Donc, Philippe, si tu es parmi nous, oui. Voilà, parfait, merci. Je te cède la parole. Donc, j'en profite pour dire à propos de la boîte à questions pendant que tu t'installes que donc on fait ça une à deux fois en général le samedi à 16h. Et des fois on rajoute des sessions supplémentaires comme aujourd'hui. Donc le principe c'est très simple, vous écrivez une question, vous la mettez maintenant dans la boîte ou vous nous l'envoyez par mail à orgaeducpop@riseup.net, orgaeducpop@riseup.net. Vous trouvez l'adresse sur notre site internet Debout Éducation Populaire. Donc vous nous envoyez une question et on y répond dans les moments de boîte à questions, voilà, hebdomadaire. Donc, si... Parfait, aucun souci. tu vois bien. Et d'ailleurs, on vous invite à vous asseoir aussi si vous voulez. Hein. Il fait beau, il va pas pleuvoir, donc pas de souci. Je te cède la parole.